Les chasseurs de nazis. Chapitre 1, naissance d'une vocation. Deuxième épisode. En septembre 2017, à Jérusalem, le mémorial Yad Vashem, dédié aux victimes de l'Holocauste, a déclassifié un rapport en trois volumes consacré à la traque des criminels nazis par les services secrets israéliens. Un rapport rédigé 10 ans auparavant par un membre du Mossad, Yossi Ren. Pour rencontrer ce dernier, nous avons fait appel à un autre Yossi. Yossi Melman, un journaliste d'investigation, peut-être un des mieux renseignés dans le pays dans ses affaires de renseignement. Direction la banlieue de Tel Aviv pour faire connaissance avec Yossi Ren. Tu es venu aussi? Oui, j'ai finalement décidé de venir avec eux et d'aider la traduction. Imaginez un homme d'âge certain qui aurait la faconde d'un Michel Galabru et la poignée de main d'un Jason Bourne. Voilà, c'est lui qui nous ouvre la porte de sa maison. Tu as quel âge maintenant? Bientôt 82. Not yet. Pas tout à fait. Un peu plus tard. Whisky. C'est un peu tôt pour le whisky. Not yet. Thank you. You need to stay here a few weeks, I think. Il faudrait que vous restiez là quelques semaines. Pas juste 5 minutes. Vous connaissez l'histoire du ghetto de Varsovie. Voici avec Yossi Ren celle du ghetto de Minsk. C'est une histoire assez longue. À l'âge de 6 ans, je me suis enfui du ghetto. Les gens s'étaient révoltés lorsqu'on les a tous menés devant la fosse. La fosse où on allait les tuer. J'ai passé 2 ans avec les partisans russes. De 1942 jusqu'en juillet 1944, lorsque l'armée rouge nous a rejoints. J'étais le plus jeune de ceux qui ont survécu de ce ghetto. Sur 2000 personnes, environ 600 ont réussi à s'enfuir et seulement 100 avaient survécu en 1944. Parmi eux, il n'y avait que mon père. Tout le reste de ma famille avait été assassiné. Lorsque la guerre s'est terminée, nous avons commencé à migrer. Et donc j'ai eu l'occasion de monter à bord du bateau historique, l'Exodus. Et puisque vous êtes une radio française, je précise que ce navire est parti de France, du port de Sète. Je suis retourné en 2000, ça va bientôt faire 18 ans. Et lorsqu'on a été renvoyé par les Britanniques, on est resté ancré 3 semaines à Port-de-Bouc, dans la région de Marseille. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit au sud de la France. En fait, l'Exodus, c'était une épave. Mais il y avait là-bas 3 bateaux-cages britanniques sur lesquels on nous a transférés à Haïfa de l'Exodus vers ces 3 bateaux-cages. Finalement, ils nous ont ramenés au port de Hambourg. J'avais déjà 11 ans et 2 Britanniques m'ont pris. C'est un mot français, ça, engagé. Ils m'ont attrapé par les bras et m'ont descendu du bateau. Ils m'ont jeté sur le quai dans le port de Hambourg. J'ai écrit un livre là-dessus. Pour l'instant, il n'a été publié qu'en hébreu. Et Yossi vous l'a peut-être montré. Mais c'est seulement en hébreu. Et j'ai décrit très précisément tous les détails de ma vie. Finalement, je suis arrivé ici en 1948. J'avais 12 ans. J'ai encore pu recevoir une éducation ici, à l'école primaire et au lycée agricole. Et puis après, je me suis engagé dans l'armée, j'ai fait des études à l'université, et je suis arrivé finalement au Mossad. Est-ce que vous vous souvenez quand, à la fin de votre carrière, il y a à peu près 10 ans, on vous a demandé de rédiger un rapport sur la traque des criminels nazis ? Je me souviens parfaitement de ce jour-là. En fait, j'étais déjà retraité. Et je m'occupais d'un travail complètement différent. Et là, par hasard, la directrice, la femme qui a écrit l'histoire du Mossad est passée, et elle m'a demandé de rejoindre le département historique. Je lui ai demandé quel serait le sujet. Elle m'en a cité un certain nombre, et entre autres, elle m'a dit le sujet de la traque des criminels nazis. Sur ce sujet-là, je lui ai dit immédiatement, il y a quoi dire. Personnellement, sans aucun doute, à titre personnel, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, j'aurais été heureux si les succès avaient été plus retentissants. Mais sans l'ombre d'un doute, il y a eu des tentatives pour arriver à ses succès. Beaucoup de travail a été accompli. Les rapports écrits par Yossi Ren ont un titre poétique, des nuages et du vent, mais pas de pluie. Un titre tiré d'un verset du livre des Proverbes. Il renvoie plus prosaïquement à la déception de celui qui a recueilli la parole des agents du Mossad. Voici comment Yossi Melman en rend compte en septembre 2017 dans les colonnes du quotidien Haaretz. Contrairement au mythe qui a suivi la capture d'Adolf Eichmann en 1960, la poursuite des criminels de guerre nazis n'était une priorité ni pour Isser Harel, directeur du Mossad de l'époque, ni pour son successeur Meir Amit. Zvi Aharoni, décédé en mai 2012, à l'âge de 91 ans, est l'un des quatre agents secrets israéliens qui a capturé Eichmann. Il confirme « La poursuite des criminels nazis n'était pas un devoir pour les dirigeants du Mossad ». D'ailleurs, si Harel a été encensé à l'enlèvement d'Eichmann, il n'a pas vraiment cherché à poursuivre Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz. Meir Amit, qui a remplacé Isser Harel à la tête du Mossad, a, sans l'encourager, autorisé la poursuite de criminels nazis. C'est durant cette période, en 1965, que l'unité Césarée, dirigée par Yosef Yariv, tuera Herbert Kurkus, connu sous le nom du « boucher de Riga ». À Montevideo, en Uruguay. Kurkus était directement impliqué dans les meurtres de juifs de Latvie pendant la Shoah. C'est le Premier ministre Menachem Begin qui a renouvelé en 1977 la chasse aux nazis en ordonnant de continuer la poursuite. Le problème était que la plupart d'entre eux, du moins les plus importants, n'étaient déjà plus en vie. Je ne veux rappeler que deux noms ici, pas plus. Eichmann et Mengele. La grande différence entre les deux, entre la réussite et l'insuccès, c'est que Eichmann, on l'a découvert. On a découvert l'endroit où il était. Et alors, le succès est arrivé. Le succès, bien sûr, dans les actes. Mengele, en dépit d'efforts énormes, de très grands efforts, malheureusement, on a fini par découvrir le lieu de sa sépulture, alors que pendant 6 ans, nous ne savions pas qu'il n'était plus du monde des vivants. Est-ce que vous avez senti dans votre cœur, vous qui avez été un survivant, un soldat, puis un agent du Mossad, le sentiment de vengeance ? Personnellement, oui. Mais plus maintenant. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.